Ah, j'ai reçu un message. La course au bonheur et à la foi est une course tellement dense et belle. L'immensité est tellement imposante de par son ciel. J'aime passer des heures à regarder le ciel, à remercier cette toute-puissance. Quelques moments de bonheur qu'il m'offre avec toi. Et je suis toujours disponible. Mon emploi du temps est à vous. Il n'y a que Dieu, l'amour chez moi. Et ma sœur qui est toujours là. Mais oublie-la, oublie-la, oublie-la, et viens passer un moment chez moi. Viens trouver la pureté. Je suis la pureté, tu es la pureté. Nous sommes la pureté. La pureté.